Chapitre 4. Ce n'était point pour fausser le récit de Phyllis que Saniel avait tenu à voir Nougared. À quoi bon? Ce serait une maladresse qui tôt ou tard se découvrirait toute seule et tournerait alors contre lui. Il aurait voulu, avec l'autorité du médecin, expliquer que ce témoignage d'une paralytique pouvait n'avoir pas plus d'importance que celui d'une folle. Mais au premier mot de son explication, Nougared l'avait arrêté. « Ce que vous dites là est très possible, mon cher ami, mais je vous ferai remarquer que ce n'est pas à nous de soulever des objections de ce genre. Voilà un témoignage qui peut sauver notre client. Acceptons-le tel qu'il est et d'où qu'il vienne. C'est l'affaire de l'accusation de prouver que notre témoin n'a pas pu voir ce qu'il raconte avoir vu ou que son état mental ne lui permet pas de savoir ce qu'il dit. Et soyez sans crainte, les recherches ne manqueront pas. Ne donnons donc pas nous-mêmes l'éveil de ce côté, ce serait naïf. » Ce n'était certes pas là ce que Saniel avait voulu. Seulement il avait cru devoir, en sa qualité de médecin, indiquer à quels écueils on pouvait se heurter. Notre devoir, poursuivit l'avocat, et donc de manœuvrer de façon à les éviter. Et voici comment je comprendrai le rôle de ce témoin réellement providentiel, s'il est encore possible de le lui faire prendre. Puisqu'il vous est venu à l'esprit, vous qui souhaitez l'acquittement de ce pauvre garçon, que le témoignage de Madame d'Amauville pouvait être vicié par cela seul qu'il émanait d'une femme malade, il est incontestable, n'est-ce pas, que cette même idée se présentera à ceux qui tiennent à la condamnation. Ce témoignage serait irréfutable. Il s'imposerait de telle sorte qu'on ne pourrait élever contre lui aucun reproche, qu'il enlèverait l'acquittement à quelque moment qu'il se produisit. C'est de 5h15 à 5h30 que Cafi a été assassiné. À 5h15 juste, une femme respectable par sa position et que ses facultés intellectuelles, aussi bien que ses facultés physiques, rendent digne de toute croyance, aurait vu, dans le cabinet de Cafi, un homme, qu'il est matériellement impossible de confondre avec Florentin Cormier, tirer les rideaux de la fenêtre et préparer ainsi le crime. Elle ferait sa déposition dans ces conditions et dans ces termes, que l'affaire serait finie. Il n'y aurait pas de juge d'instruction, après confrontation, pour envoyer Florentin Cormier devant les assises. Et y en eut-il un qu'il ne se trouverait assurément pas dans le jury, deux voix pour la condamnation. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se présentent et se passeront. Sans doute Madame d'Amauville porte un nom qui lui vaut crédit, surtout au palais. Son mari était un avoué estimé. Un frère de celui-ci a été notaire à Paris. Ce n'est pas la première venue, il s'en faut. Vous êtes-vous jamais trouvé en relation avec elle? Demanda Saniel. Jamais. Je vous dis ce qui est de notoriété publique dans le monde des affaires. Moralement, elle est donc irréprochable. Mais physiquement, intellectuellement, en est-il de même? Pas du tout, par malheur. C'est une femme atteinte d'une maladie qui bien souvent ne laisse intactes ni les facultés de l'esprit, ni celles des sens. Sa vue peut subir des aberrations, son esprit des hallucinations. Donc, on peut argumenter sur ce qu'elle dit, et s'il se trouve un médecin pour affirmer que sa paralysie ne donne lieu ni à ses aberrations ni à ses hallucinations, il s'en trouvera bien un autre qui contestera ses affirmations et arrivera à une conclusion radicalement opposée. Voilà pour le témoin lui-même. Maintenant, passons au témoignage. Il ne dit pas, ce témoignage, que l'homme qui a tiré les rideaux à 5h15 était fait de telle sorte qu'il est matériellement impossible de le confondre avec Florentin Cormier, parce qu'il était petit, ou bossu, ou chauve, ou vêtu en rôdeur de barrière, tandis que Florentin est grand, droit, chevelu, barbu et vêtu en monsieur. Simplement, il dit que l'homme qui a tiré les rideaux était de taille élevée, avec des cheveux blonds, une barbe blonde frisée et vêtu en monsieur. Mais ce signalement est précisément celui de Florentin Cormier, comme il est le vôtre d'ailleurs. « Le mien ? » s'écria Saniel. « Le vôtre, comme celui de bien des gens. Et c'est là ce qui, malheureusement pour nous, lui enlève cette irréfutabilité qu'il nous faudrait. Comment est-elle certaine que cet homme de taille élevée, aux cheveux longs et à la barbe frisée, n'est pas Florentin Cormier, puisque celui-ci se caractérise par cela même? Et c'est la nuit, à 12 ou 15 mètres de distance, à travers une fenêtre aux vitres obscurcies par la poussière des paperasses et par le brouillard, que cette femme malade, dont les yeux sont troublés, dont l'esprit est affaibli par la souffrance, a pu, dans un espace de temps très court, alors qu'elle n'avait aucun intérêt à se graver dans la mémoire ce qu'elle voyait, saisir des signes certains qu'elle se rappelle aujourd'hui assez fortement pour affirmer que l'homme qui a tiré les rideaux n'est pas Florentin Cormier, contre qui tant de charges se sont accumulées de divers côtés, et qui n'a pour lui que ce témoignage que toute personne sensée ne pourra pas ne pas trouver suspect. « Mais c'est vrai ?» dit Saniel, heureux de se laisser prendre à ce plaidoyer qui était le sien. « Ce qui fait la vérité d'une chose, mon cher, c'est la manière de la présenter. Changeons cette manière et nous allons la fausser. Pour arriver à la conclusion qui vous a fait dire « c'est vrai », je suis parti de l'idée que dès demain le récit de Madame d'Amauville était connu de la justice, qu'on entendait la brave dame dans l'instruction et qu'on avait tout le temps d'examiner ce témoignage que vous-même trouvez suspect. Maintenant, partons d'un point opposé. Le récit de Madame d'Amauville n'est pas connu de la justice. Ou s'il en transpire quelque chose, nous nous arrangerons pour que ce quelque chose soit tellement vague que l'instruction n'y attache que peu d'importance. Et cela est possible si nous-mêmes ne basons pas, sur ces témoignages, toute une nouvelle défense. Nous arrivons au jugement. Et quand l'instruction a fait entendre ces témoins qui nous ont accablés, l'agent d'affaires savoureux, le tailleur, Valérius, etc., c'est le tour de Madame d'Amauville. Elle raconte simplement ce qu'elle a vu et affirme que l'homme qui est sur le banc des accusés n'est pas le même que celui qui, à 5h15, a tiré les rideaux. Voyez-vous le coup de théâtre ? L'accusation ne l'a pas prévu. Elle n'a pas fait d'enquête sur la santé du témoin. Elle n'a pas là de médecin tout prêt à alléguer les troubles de la vision et de la raison. Très probablement, elle ne pense pas à la vitre obscurcie, pas plus qu'à la distance. Enfin, tous les arguments qu'on pourrait nous opposer si on avait le temps de les mettre en bon ordre manquent, et nous emportons haut la main l'acquittement. Les choses, arrangées ainsi, étaient trop favorables à Saniel pour qu'il n'accueillît pas avec un sentiment de soulagement cette combinaison qui amenait l'acquittement de Florentin plus sûrement, semblait-il, que tout ce qu'ils avaient combiné jusqu'à ce jour pour sa défense. Cependant, il lui vint à la pensée une objection qu'il communiqua aussitôt à Nougaret. Voudra-t-on admettre que Madame d'Amauville ait gardé le silence sur un fait aussi grave et attendu l'audience pour le révéler ? Ce silence, elle l'a bien gardé jusqu'à hier. Pourquoi ne pas lui passer quelques jours de plus ? Il est évident que si elle n'a pas raconté ce qu'elle avait vu, c'est qu'elle avait des raisons pour se taire. Il est vraisemblable qu'étant malade, elle n'a pas voulu s'exposer aux ennuis et aux fatigues d'un interrogatoire, alors que sa déposition pouvait, à ses yeux, n'avoir pas grande importance. Qu'aurait-elle révélé à l'instruction ? Que l'homme qui avait commis le crime était de grande taille, avec la barbe blonde frisée ? Cet homme, la justice le tenait, ou elle en tenait donc un ? Le signalement répondait à celui-là, ce qui pour Madame d'Amauville était la même chose. Elle n'avait donc pas à appeler les gens de la police, le juge d'instruction, pour leur révéler des choses insignifiantes. Pour sa tranquillité, et aussi parce qu'elle jugeait n'avoir rien d'intéressant à dire, elle n'a pas parlé. C'est quand le hasard lui a mis sous les yeux un portrait de l'accusé qu'elle a reconnu que la justice ne tenait pas le vrai coupable, et alors elle a rompu le silence. Le moment où le hasard lui a mis ce portrait sous les yeux n'est pas à préciser. Je me charge d'arranger cela. Ce n'est pas là qu'est la difficulté. Où la voyez-vous ? Dans ceci, que Madame d'Amauville peut avoir déjà raconté son histoire à tant de personnes qu'elle soit tombée dans le domaine public, où l'instruction l'a ramassée. Alors, plus de coups de théâtre. On l'interroge, on examine la déposition, on lui oppose tout ce que nous disions tout à l'heure et nous n'avons plus qu'un témoignage suspect. La première chose à faire est donc, dès aujourd'hui, de savoir à quel point cette histoire s'est répandue et, s'il en est temps encore, d'empêcher qu'elle ne se répande davantage. Cela n'est guère facile, il me semble. Je crois que Mademoiselle Phyllis peut l'obtenir. En voilà une brave fille. Vaillante, intelligente, décidée, que rien n'abat ni ne déconcerte, et qui est la preuve vivante que nous ne valons que par la force et la souplesse du ressort intérieur. Au reste, je n'ai pas à faire son éloge, puisque vous la connaissez mieux que moi. Et ce que je dis n'a d'autre but que d'expliquer la confiance que je mets en elle. Puisque je ne peux pas intervenir moi-même, j'estime que personne mieux qu'elle n'est en état d'agir sur Madame d'Amauville sans l'inquiéter comme sans la blesser. Et d'amener le résultat que nous cherchons. Je suis sûre qu'elle a déjà gagné Madame d'Amauville et qu'elle sera écoutée avec sympathie. Voulez-vous que je lui écrive de venir vous voir demain ? Non, le mieux serait que vous la vissiez vous-même ce soir, si cela est possible. Je vais aller au Batignolles en vous quittant. Elle entrera parfaitement dans son rôle, j'en suis certain. Et elle réussira, j'en ai l'espoir. Mais tout ne sera pas dit. Il me semble que votre combinaison repose surtout sur le coup de théâtre de la non-reconnaissance de Florentin par Madame d'Amauville. Comment amènerez-vous cette paralytique à l'audience ? C'est sur vous que je compte. Et comment ? Vous l'examinerez. Que j'aille chez elle ? Pourquoi pas ? Mais parce que je ne suis pas son médecin. Vous le deviendrez. C'est impossible. Je ne trouve pas du tout impossible que vous soyez appelé en consultation. Je n'ai pas oublié que votre thèse a été faite sur les paralysies dues à l'affection de la moelle. Elle a été assez remarquable pour que nous nous en soyons occupés dans notre parlotte de la rue de Vaugirard. Vous avez donc autorité en la matière. Ce n'est pas pour avoir fait quelques travaux sur l'anatomie pathologique des lésions médulaires, et spécialement sur les altérations des racines antérieures de la moelle, qu'on acquiert de l'autorité dans une question aussi étendue et aussi délicate. Ne soyez pas trop modeste, cher ami. J'ai eu à consulter dernièrement l'article « Paralysie » dans mon dictionnaire de médecine, et j'ai vu votre travail cité à chaque page. De plus, la façon dont vous venez de passer votre concours vous a mise en lumière. On ne parle que de vous. Il n'y a donc rien d'impossible à ce que Mademoiselle Phyllis, racontant que sa mère a été guérie par vous d'une paralysie précisément, n'amène Madame d'Amauville à l'idée de vous consulter et que son médecin ne vous appelle. Vous ne ferez pas cela ? Et pourquoi ne le ferais-je pas ? Ils se regardèrent un moment en silence et Saniel détourna les yeux. Je ne déteste rien tant que de paraître me mettre en avant. Dans l'espèce, il ne s'agit pas de ce que vous détestez ou de ce que vous aimez. Il s'agit de sauver ce malheureux jeune homme que vous savez innocent. Et vous pouvez, pour une bonne part, nous aider. Vous examinez Madame d'Amauville. Vous voyez de quelle paralysie elle est atteinte. Et conséquemment, quels reproches on peut opposer à son témoignage. En même temps, vous voyez si vous pouvez la guérir ou tout au moins la mettre en état de venir à l'audience. Et s'il est constaté qu'elle ne pourra pas quitter son lit ? Alors j'apporte un changement à mon ordre de bataille, et c'est pour cela qu'il est d'une importance capitale, vous savez que c'est le mot, que je sois averti à l'avance. Vous faites recevoir sa déposition par le juge d'instruction ? En aucun cas, mais je fais écrire une lettre par elle que je lise au moment voulu, et je cite son médecin pour qu'il explique qu'il n'a pas permis à sa cliente de venir à l'audience. Sans doute l'effet produit ne serait pas celui que je cherche, mais enfin, nous en aurions toujours un. Chapitre 5. Après Phyllis, voilà que Nougaret voulait qu'il vît Madame d'Amauville, et cette coïncidence n'était pas le moindre danger de la situation qui s'ouvrait. Qu'elle le vît, les chances étaient pour qu'elle reconnût en lui l'homme qui avait tiré les rideaux. Car, s'il avait pu parler à Phyllis et à Nougaret de troubles de vision ou de raison, il ne croyait pas à ces troubles, qui n'étaient pour lui que des échappatoires. Phyllis, lorsqu'il arriva chez Madame Cormier, n'était pas encore rentrée, et il eut à expliquer à la mère inquiète pourquoi sa fille se trouvait en retard. Alors ce fut un délire de joie devant lequel il se sentit embarrassé. Comment briser l'espérance de cette malheureuse mère ? Ce qu'il avait dit à Phyllis et à Nougaret, il le répéta. Avant de voir Florentin libre, il fallait savoir ce que valait le témoignage de Madame d'Amauville, et il expliqua comment la valeur de ce témoignage pouvait se trouver compromise. Mais il est possible aussi qu'un paralytique jouisse de toutes ses facultés, s'écria Madame Cormier avec une décision qui n'était ni dans ses habitudes, ni dans son caractère. Assurément. N'en suis-je pas un exemple ? Sans doute. Alors Florentin serait sauvé ? C'est ce que nous devons espérer. Je ne vous prémunis contre un excès de joie que par un excès de prudence. Au reste, il est probable que Mademoiselle Phyllis va pouvoir nous fixer en rentrant. Vous auriez peut-être mieux fait d'aller rue Sainte-Anne, vous l'auriez encore trouvée. C'était donc une manie universelle que de vouloir l'envoyer rue Sainte-Anne. Ils attendirent. Mais la conversation fut difficile et lente entre eux. Ce n'était ni à Félix, ni à Florentin que Saniel pensait. C'était à lui et à ses propres craintes. De son côté, Madame Cormier courait au-devant de sa fille. Alors il y avait de longs silences que Madame Cormier interrompait en allant dans la cuisine surveiller son dîner, prêt depuis plus de 2 heures, et qu'elle tenait au chaud. Ne sachant que dire et que faire en présence de la mine sombre de Saniel et de sa préoccupation, qu'elle ne s'expliquait pas, elle lui demanda s'il avait dîné. « Pas encore. Si vous vouliez accepter une assiette de potage, j'ai du bouillon d'hier, Phyllis ne l'a pas trouvé mauvais. » Mais il n'accepta point, ce qui peina Madame Cormier. Il y avait longtemps que pour elle, Saniel était une sorte de dieu, et depuis qu'elle le voyait si zélé à s'occuper de Florentin, le culte qu'elle lui avait voué s'était fait encore plus fervent. Combien de fois, parlant de lui avec Phyllis, s'était-elle écriée « Comment pourrons-nous jamais nous acquitter envers M. Saniel ?» Et voilà qu'au moment où elle espérait pouvoir lui être agréable, il la refusait. Mais elle ne lui en voulut pas. Sans doute il avait ses raisons. Rien de ce qui venait de lui ne pouvait être mal. Cependant, les minutes s'écoulaient et Phyllis n'arrivait pas. Enfin, on entendit son pas précipité. « Comment ? Vous êtes venu prévenir maman ? » s'écria-t-elle en apercevant Saniel. D'ordinaire, Madame Cormier l'écoutait respectueusement, mais elle lui coupa la parole. « Et Madame d'Amauville ? » demanda-t-elle. « Madame d'Amauville a des yeux excellents. C'est une femme de tête qui, sans le secours d'aucun homme d'affaires, administre sa fortune. » Défaillante, Madame Cormier se laissa tomber sur une chaise. « Oh, le pauvre enfant ! » murmurait-elle. Des exclamations de joie lui échappaient, qui n'avaient pas de sens précis. Phyllis, radieuse, regardait Saniel qui faisait des efforts pour ne pas rester sombre et paraître s'associer à cette joie. « C'est bien ce que je pensais, » dit-il, « mais il était imprudent de s'abandonner aujourd'hui à des espoirs que demain aurait détruits. » Pendant qu'il parlait, il échappait au moins à l'embarras de sa situation et à l'examen de Phyllis. « Qu'a dit M. Nougarède ? » demanda-t-elle. « Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Commencez par nous raconter ce que vous avez appris de Mme d'Amauville. C'est son état qui décidera notre conduite, au moins celle que Nougarède conseille d'adopter. » « Quand la concierge m'a vu revenir, commença Phyllis, elle a montré une certaine surprise, mais n'est pas une bonne femme qui se laisse facilement apprivoiser, et je n'ai pas eu trop de peine à la faire raconter sur Mme d'Amauville tout ce qu'elle sait. Il y a 3 ans que Mme d'Amauville est veuve, sans enfant. Elle a environ 40 ans, et c'est depuis son veuvage qu'elle habite sa maison de la rue Sainte-Anne. Jusqu'à l'année dernière, elle n'était pas mal portante. Cependant, elle allait tous les ans aux eaux à la Malou. Il y a 1 an, elle a été prise de douleurs qu'on a cru rhumatismales et à la suite desquelles s'est déclarée la paralysie qui la tient au lit. Elle souffre parfois à crier, mais ce sont des crises qui ne durent pas toujours. Dans les intervalles, elle vit de la vie ordinaire, si ce n'est qu'elle ne se lève point. Elle lit beaucoup, reçoit quelques amis. Sa belle-sœur, veuve d'un notaire, ses neveux et nièces, un des vicaires de la paroisse, car elle est pieuse et surtout très charitable. Ses yeux sont excellents. Jamais elle n'a eu ni délire ni hallucination. Elle est très réservée, déteste les bavardages et cherche par-dessus tout à vivre tranquille. Aussi l'assassinat de Caffier l'a-t-il exaspérée. Elle ne voulait pas qu'on lui en parlât et elle-même n'en parlait à personne. Elle aurait même dit que si elle était en état de quitter sa maison, elle la vendrait pour ne plus entendre prononcer le nom de Caffier. Comment a-t-elle parlé du portrait et de l'homme qu'elle a vu dans le cabinet de Caffier ? Demanda Saniel. C'est justement la question à laquelle la concierge n'a pas pu répondre. Alors je me suis décidée à me présenter de nouveau chez Madame d'Amauville. « Es-tu brave ? » dit Madame Cormier avec fierté. « Je t'assure que je ne l'étais guère en montant l'escalier. Après ce que je venais d'apprendre de son caractère, c'était vraiment de l'audace de venir une seconde fois, à 2 heures d'intervalle, troubler sa tranquillité. Mais il le fallait. Elle voulut bien me recevoir. En montant, j'avais cherché une raison pour justifier, ou tout au moins pour expliquer, ma seconde visite. Et je n'en avais trouvé qu'une aventureuse pour laquelle je dois demander votre indulgence. Elle dit cela en se tournant vers Saniel, mais les yeux baissés, sans oser le regarder, et avec une émotion pour lui inquiétante. « Mon indulgence ? » dit-il. « J'ai agi sans avoir le temps de bien réfléchir et sous la pression de la nécessité immédiate. » Comme Madame d'Amauville se montrait surprise de me revoir, Je lui dis que ce qu'elle m'avait appris était si grave et pouvait avoir de telles conséquences pour la vie et l'honneur de mon frère que j'avais pensé à revenir le lendemain accompagnée d'une personne au courant des affaires devant laquelle elle répéterait son récit et que c'était la permission de me présenter avec cette personne que je lui demandais. Cette personne, c'était vous. Moi ? Et voilà pourquoi, dit-elle faiblement, sans lever les yeux sur lui, j'ai besoin de votre indulgence. Mais je vous avais dit, s'écria-t-il avec une violence que le mécontentement qu'on eût ainsi disposé de lui ne suffisait pas à justifier, que vous ne pouviez pas vous présenter chez Madame d'Amouville en qualité de médecin sans qu'elle vous eût fait appeler, je ne l'avais pas oublié. Aussi, n'était-ce pas comme médecin que je voulais vous prier de m'accompagner, mais comme ami, si vous me permettez de parler ainsi, comme l'ami le plus dévoué, le plus ferme, le plus généreux que nous ayons eu le bonheur de rencontrer dans notre détresse. Ma fille parle en mon nom comme au sien, dit Madame Cormier avec une gravité émue, et je tiens à ajouter que c'est une amitié respectueuse, une reconnaissance profonde que nous vous avons vouée. Bien que Phyllis fût tremblante de voir l'effet qu'elle avait produit sur sa nièce, elle continua avec fermeté. Vous m'accompagniez donc, et sans rien faire ostensiblement, sans rien dire qui fût d'un médecin, pendant qu'elle parlait, vous pouviez l'examiner. À ma demande, Madame d'Amouville répondit par son consentement, donné avec une parfaite bonne grâce. Je retournerai donc demain chez elle, et si vous jugez que c'est utile, si vous croyez devoir accepter le rôle que je vous ai attribué sans vous avoir consulté, vous pouvez m'accompagner. Il ne répondit pas à ces dernières paroles, qui étaient une invitation en même temps qu'une question. « Ne l'avez-vous pas examiné comme je vous l'avais dit ? » demanda-t-il après un moment de réflexion. Avec toute l'attention dont j'étais capable dans mon angoisse, le regard m'a paru être droit et sans aucun trouble. La voix est régulière, bien rythmée. Les paroles se suivent sans hésitation. Les idées s'enchaînent. Elles s'expriment avec ordre. Il n'y a aucune trace de souffrance sur ce visage jaune qui porte seulement la marque d'une douleur résignée. Elle remue les bras librement, mais les jambes, autant que j'ai pu en juger sous la couverture qui les cachait, sont immobiles. Par plusieurs points, il me semble que sa paralysie se rapproche de celle de maman. Il est vrai que par d'autres, elle s'en écarte. Elle doit être extrêmement frileuse, car bien que le temps ne soit pas froid aujourd'hui, la température de sa chambre m'a paru très élevée. « Voilà un examen, dit Saniel, qu'un médecin n'eût pas mieux conduit, à moins d'interroger la malade. Et j'aurais été avec vous dans cette visite, que nous n'en saurions pas plus que ce que vous avez observé. Il paraît certain que Madame d'Amouville est en pleine possession des facultés qui rendent son témoignage inattaquable. » Madame Cormier attira sa fille et passionnément elle l'embrassa. « Je n'aurai donc rien à faire chez cette dame, continua Saniel, avec la précipitation d'un homme qui vient d'échapper à un danger. Mais votre rôle à vous, mademoiselle, n'est pas fini, et vous devrez retourner demain chez elle pour remplir celui que Nougaret vous confie. » Il expliqua ce que Nougaret attendait d'elle. « Certainement, dit-elle, je ferai pour Florentin tout ce qu'on me conseillera. Je retournerai chez Madame d'Amouville. J'irai partout. Mais me permettez-vous de m'étonner qu'on ne profite pas tout de suite de cette déclaration pour obtenir la mise en liberté de mon frère ?» Il répéta les raisons que Nougaret lui avait données pour ne pas procéder de cette manière. « Je ne voudrais rien dire qui ressemblât à un reproche, répliqua Madame Cormier avec plus de décision qu'elle n'en mettait ordinairement dans ses paroles. « Mais peut-être M. Nougaret fait-il entrer des considérations personnelles dans son conseil. Nous, notre intérêt est que Florentin soit rendu au plus vite à notre affection et qu'on lui épargne les souffrances de la prison. Mais je comprends qu'à une ordonnance de non-lieu dans laquelle il ne paraît pas, M. Nougaret préfère le grand jour de l'audience où il pourra prononcer une belle plaidoirie utile à sa réputation. » « Qu'il ait ou n'ait pas fait ce calcul, dit Saniel, les choses sont ainsi. Moi aussi j'aurais préféré l'ordonnance de non-lieu, qui avait le grand avantage de tout terminer immédiatement. Nougaret ne croit pas que cette route soit bonne à prendre. Il faut suivre celle qu'il nous trace. » « Nous la suivrons, dit Phyllis, et je crois qu'elle pourra amener le résultat qu'attend M. Nougaret, car Madame d'Amouville ne doit avoir parlé du portrait qu'à très peu de personnes. Quand j'ai tâché de la faire s'expliquer sur ce point, sans lui poser directement cette question, elle m'a dit qu'elle n'avait raconté à sa concierge la non-ressemblance entre le portrait et l'homme qu'elle a vu tirer les rideaux que pour que celle-ci, qui plusieurs fois l'avait entretenue de Florentin et de mes démarches, m'avertît. Je verrai donc demain dans quelle mesure son récit a pu se répandre et j'irai vous en avertir vers 5 heures, à moins que vous ne préfériez que j'aille tout de suite chez M. Nougared. Commencez par moi, et nous irons ensemble chez lui s'il y a lieu. Je vais lui écrire. Si je comprends bien le plan de M. Nougared, il me semble qu'il repose sur la comparution de Mme d'Amauville à l'audience. Cette comparution sera-t-elle possible? C'est ce que je ne pourrai pas savoir. Un médecin seul pourrait répondre. Saniel ne voulut pas laisser paraître qu'il avait compris ce nouvel appel. « J'oubliais de vous dire, continua Phyllis, que celui qui la soigne est le docteur Balzaget, demeurant rue de l'Échelle. Le connaissez-vous? Un solennel qui cache sa nullité sous la dignité de ses manières. » Il n'eut pas plutôt lâché ces quelques mots qu'il en sentit la maladresse. Elle devait avoir un excellent médecin, Madame d'Amauville, et si haut placée dans l'estime de ses confrères, que s'il ne la guérissait point, c'était parce qu'elle était incurable. Alors, comment pouvons-nous espérer qu'il la guérira en temps pour qu'elle paraisse à l'audience? Dit Phyllis. Il ne répondit pas et se leva pour se retirer. Timidement, Madame Cormier répéta son invitation, mais il n'accepta pas, malgré le tendre regard que Phyllis attachait sur lui. Il était obligé de rentrer sans pouvoir attendre davantage. Chapitre 6. Pourrait-il résister à la pression qui, de tous les côtés à la fois, le poussait vers la rue Sainte-Anne? Il semblait que rien n'était plus facile que de ne pas commettre la folie d'y céder. Et cependant, telle était la persistance des efforts qui se réunissaient contre lui, qu'il devait se demander si un jour il ne serait pas amené malgré lui à leur obéir. Phyllis, Nougared, Madame Cormier. Maintenant, d'où viendrait la nouvelle attaque? N'y avait-il pas là quelque chose d'extraordinaire qu'il eût même qualifié de providentiel ou de fatal s'il avait cru à la providence ou à la fatalité? Depuis plusieurs mois, il était arrivé à une sécurité complète, qu'il avait convaincu que tout danger était à jamais écarté. Mais voilà que tout à coup, ce danger éclatait dans de telles conditions qu'il devait reconnaître qu'il ne pouvait plus y avoir de sécurité pour lui. Aujourd'hui, Madame d'Amauville le menaçait. Demain, ce serait un autre. Qui? Il n'en savait rien, tout le monde. Et c'était l'angoisse de sa situation, d'être condamné à vivre désormais dans la crainte et sur la défensive, sans repos, sans oubli. Mais ce n'était pas du lendemain qu'il devait en ce moment s'inquiéter. C'était de l'heure présente, c'est-à-dire de Madame d'Amauville. Pour qu'elle eût dit, avec tant de fermeté, sur la vue d'un simple portrait, que l'homme qui avait fermé les rideaux n'était pas Florentin, il fallait qu'elle eût une excellente mémoire des yeux, en même temps qu'une résolution d'esprit et une décision dans les idées qui lui permettaient d'affirmer sans hésitation ce qu'elle croyait la vérité. S'ils se rencontraient jamais, elle le reconnaîtrait donc, et le reconnaissant, elle parlerait. Serait-elle crue? C'était là que se trouvait la question décisive. Et il semblait qu'étant donné le caractère de cette femme, entourée de considération et de respect, qui était intelligente, circonspecte, réservée, on ne devait guère douter qu'elle ne le fût, ou tout au moins qu'elle ne soulevât contre lui des présomptions contre lesquelles il serait obligé de se défendre. Des négations ne suffiraient pas. Il n'était pas venu chez Caffi à 5h15. Où était-il à ce moment? Quel témoignage pourrait-il invoquer pour justifier de l'emploi de son temps dans cette soirée? Ne serait-ce pas alors que sa présence dans le café serait signalée et se dresserait contre lui pour l'écraser? La blessure de Caffi avait été faite par une main habile à donner la mort, et précisément cette main savante était la sienne plus encore que celle d'un tueur de profession. Sa situation au moment du crime était désespérée. Tout le monde le savait. Aux abois, harcelé par ses créanciers, poursuivi par les huissiers, menacé d'être mis dans la rue. Et c'était à ce moment que tout à coup, miraculeusement, il avait payé ses dettes. Avec quoi? Qui pourrait accepter l'histoire de Monte-Carlo, bonne quand il n'y avait pas de charge contre lui, détestable et accusatrice au contraire, quand ses charges s'étaient élevées? Un mot, une simple insinuation de Madame d'Amauville, et il était perdu, sans défense, sans lutte possible. À la vérité, et par bonheur, puisqu'elle était paralysée et retenue sur son lit, Il n'était pas exposé à se trouver face à face avec elle au coin d'une rue ou dans une maison tierce, ni à entendre le cri de surprise qu'elle ne manquerait pas de pousser en le reconnaissant. Mais cela ne suffisait pas pour qu'il s'endormît dans une imprudente sécurité, en se disant que cette rencontre était invraisemblable. Il était invraisemblable aussi d'admettre que quelqu'un se trouvait précisément en face de la fenêtre de Caffier au moment où il avait tiré les rideaux. Plus invraisemblable encore de croire que ce fait insignifiant en soi, que cette vision d'un court instant, se graverait assez solidement dans une mémoire de femme pour se retrouver vivace après plusieurs mois comme s'il datait de la veille. Et cependant, de toutes ces invraisemblances, il s'était formé une réalité qui l'enserrait si bien que d'un moment à l'autre, elle pouvait l'étouffer. Malgré les instances de Phyllis, de Madame Cormier, de Nougarède et de toutes celles, quelles qu'elles fussent, qui pourraient encore surgir, il ne serait pas assez fou pour aller affronter le danger d'une reconnaissance dans la chambre où cette paralytique était clouée. Au moins cela était probable, car après ce qui venait d'arriver, il n'était certain de rien. Mais elle pourrait très bien se faire ailleurs, cette reconnaissance. Dans le plan de Nougarède, Madame d'Amauville venait à l'audience faire sa déclaration. Lui-même était témoin. Il devait donc, à un moment donné, se rencontrer. Et il n'était pas impossible que ce fût en pleine audience que la reconnaissance éclatât par un coup de théâtre autrement dramatique que celui qu'avait arrangé Nougarède. Sans doute, il y avait bien des chances pour que Madame d'Amauville ne pût pas quitter son lit et venir à l'audience. Mais n'y en eut-il qu'une pour qu'elle le quittât, qu'il devait la prévoir et prendre ses précautions. Une seule offrait des garanties, se rendre méconnaissable, couper sa barbe, couper ses cheveux, n'être plus l'homme aux cheveux longs et à la barbe blonde frisante qu'elle se rappelait. Il eût été comme tout le monde qu'elle ne l'aurait sans doute pas remarqué lorsqu'il était venu à la fenêtre, et certainement elle l'eût oublié, ou du moins confondu avec d'autres, tandis que la singularité de sa physionomie et de sa tournure, son air gaulois avait marqué ce souvenir d'une empreinte caractéristique que le temps n'avait point effacée. Il ne faut se permettre une originalité que quand on est sûr à l'avance de n'avoir jamais rien à craindre. Assurément, rien n'était plus facile que de se faire couper la barbe et les cheveux. Il n'y avait pour cela qu'à entrer chez le premier coiffeur qu'il allait rencontrer sur son chemin. En quelques minutes, la transformation serait radicale. Chez les indifférents, il n'avait pas trop à s'inquiéter de la curiosité que ce changement pourrait produire. Plus d'un ne le remarquerait pas, et ceux qui seraient surpris au premier abord n'y penseraient bientôt plus, sans doute. D'ailleurs, pour ceux-là, il y avait une réponse facile. À la veille de devenir un personnage grave, il abandonnait les dernières excentricités du vieil étudiant et passait les ponts sans esprit de retour sur la rive gauche. Mais ce n'était pas seulement aux indifférents qu'il devait des comptes. Il appartenait encore, et bien plus, à ceux avec lesquels il se trouvait en relation suivie, à Phyllis, à Nougarède. Ne les avait-il pas remarqués, ses cheveux longs et cette barbe frisante, l'avocat, quand il avait constaté les points de ressemblance qui existaient entre les deux signalements? Et dès lors, n'était-ce pas une imprudence de l'amener à se demander pourquoi tout à coup, ce qui constituait cette ressemblance disparaissait chez l'un d'eux? Dangereuse chez l'avocat, cette question le devenait bien plus encore chez Phyllis. Nougarède ne pouvait marquer que de la surprise. Phyllis pouvait demander des explications. Et il devrait lui répondre d'autant plus nettement que 4 ou 5 fois déjà, il avait failli se trahir à propos de Madame d'Amauville. Et que si elle avait laissé passer ses exclamations ou ses moments d'embarras, ses hésitations ou ses refus, sans l'interroger franchement, elle n'en avait pas moins été étonnée, certainement. Qu'il se montrât devant elle sans cheveux et sans barbe, ce serait un nouvel étonnement qui s'ajouterait aux autres. Des rapprochements s'établiraient, et logiquement, par la force même des choses, malgré elle, malgré son amour et sa foi, elle arriverait à des conclusions auxquelles elle ne pourrait pas se soustraire. Comme ça, tout à coup? Pourquoi? Déjà, 5 ou 6 mois auparavant, cette question des cheveux longs et de barbe de fleuve mythologique s'était agitée entre eux. Comme il se plaignait un jour des bourgeois qui ne voulaient pas venir à lui, elle lui avait doucement expliqué que pour plaire à ces bourgeois et les attirer, le moyen n'était peut-être pas très bon d'étonner ceux qu'on ne choquait pas. Que des redingotes moins longues, des chapeaux moins larges de bord, des cheveux plus courts, une barbe moins hirsute, un ensemble enfin qui le rapprochait d'eux, leur serait peut-être plus agréable. Et à ce moment, il s'était fâché, lui répondant nettement qu'il était à prendre tel quel, ou à ne pas apprendre, et que ces concessions n'entraient pas dans son caractère. Comment, maintenant, brusquement, entrer dans ces concessions? Et cela précisément à l'heure même où le succès de ses concours le mettait au-dessus de ses petites compromissions. Il avait résisté quand il avait besoin de tout le monde et qu'un client était pour lui affaire de vie ou de mort. Il cédait quand il n'avait plus besoin de personne et qu'il se moquait des clients. La contradiction serait vraiment trop forte et telle qu'elle ne pourrait pas ne pas frapper Phyllis, dont l'attention n'avait déjà eu que trop d'occasions de s'éveiller. Et cependant, si délicate que fût cette décision à prendre de se rendre méconnaissable, c'eût été démence de sa part de la reculer. Le plus tôt serait le mieux. Sa faute avait été de ne pas prévoir, le lendemain de la mort de Cafier, que des circonstances pourraient surgir un jour ou l'autre qui la lui imposeraient. À ce moment, elle n'eût pas présenté les mêmes dangers que maintenant. Mais partant de l'idée qu'il n'avait été vu par personne, qu'il ne pouvait pas avoir été vu, il s'était complu dans la sécurité que lui donnait cette conviction, et tranquillement, il s'y était engourdi. Le réveil avait sonné. Les yeux ouverts, il voyait l'abîme au bord duquel sa maladresse l'avait amené. Combien ne serait-il pas fort si depuis 3 mois il n'avait plus ses cheveux et cette barbe qui portaient contre lui le plus terrible témoignage. Au lieu de se réfugier dans de misérables échappatoires quand Phyllis et Nougaret lui avaient demandé de voir Madame d'Amauville, il eut intrépidement tenu tête et se fut rendu chez elle comme il le voulait. Maintenant, il serait sauvé et bientôt Florentin le serait aussi. Et il s'était cru intelligent. Et fièrement, il s'était imaginé qu'il pourrait à l'avance combiner si bien les choses qu'il serait à l'abri de toute surprise. Il arriverait ce qu'il aurait prévu, rien de plus. La leçon que lui donnait l'expérience était rude. Et ce n'était pas la première. Le soir de la mort de Cafier, il avait déjà eu la perception très nette qu'une situation nouvelle venait de s'ouvrir pour lui, qui, jusqu'à la fin de sa vie, le ferait le prisonnier de son crime. À la vérité, cependant, cette impression s'était assez vite affaiblie. Mais voilà qu'elle reprenait plus forte que jamais, et à coup sûr, pour ne plus le lâcher. Ce pressentiment dont il ne pouvait se dégager, n'en était-il pas lui-même la preuve? Mais rien ne servait de revenir en arrière. C'était le présent, c'était l'avenir qu'il devait sonder d'un coup d'œil clair et ferme, s'il ne voulait pas se perdre. Tout bien pesé, bien examiné, il devait se faire couper les cheveux et la barbe. Car si aventureuse que fût cette résolution, si fâcheuse qu'elle pût devenir en provoquant la curiosité et les questions, c'était le seul moyen d'empêcher une reconnaissance possible. Machinalement, par habitude, il se dirigea vers la rue Neuve des Petits Champs où demeurait son coiffeur. Mais il n'avait pas fait quelques pas que la réflexion l'arrêta. Ce serait certainement une maladresse de provoquer les bavardages de ce coiffeur qui le connaissait et qui, pour le plaisir de causer, raconterait aux gens du quartier qu'il venait de couper les cheveux et la barbe du docteur Saniel. Celui qui avait une si longue barbe, lui-même. Tiens, c'est drôle. Il fallait qu'il n'y eût rien de drôle en lui, ni sur son compte. Il revint donc vers le boulevard où certainement il n'était pas connu. Mais prêt à mettre la main sur le bouton de la boutique où il avait décidé d'entrer, il changea encore d'avis. Il venait de trouver l'explication qu'il fallait pour Phyllis. Et comme il tenait à éviter la surprise qu'elle ne manquerait pas d'éprouver, si brusquement elle le voyait sans cheveux et sans barbe, il lui donnerait cette explication avant de les faire couper, de façon que tout d'abord, et sans chercher autre chose, elle comprit que cette opération était indispensable. Et il s'en alla dîner, furieux contre lui-même et contre les choses, de voir à quels misérables expédients il en était réduit.